Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Roberval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. De sinistre et vous ne savez qui appeler, je connais quelqu'un pour vous. Pronet, communément appelé Gus, de vrais professionnels qui sauront répondre à vos attentes. Pour tout nettoyage ou nettoyage après sinistre, contactez le 679-4178. Régent Côté et toute son équipe remercie sa clientèle et vous souhaite de très joyeuses fêtes. Que votre Noël s'illumine de moments de rire, de bonheur et de partage. Et que l'année qui vient en soit tout autant remplie. Joyeux Noël et bonne année à la clientèle du restaurant Midas, de la part du personnel et de la direction. Restaurant Midas, au 1084 route 169 Saint-Félicien, au 418-679-0900. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres juniors 2A de Roberval. Impliqués dans tous les projets porteurs de la MRC, les 80 employés et 16 dirigeants vous invitent à vivre l'expérience membre Desjardins dans l'une ou l'autre de ses 8 places d'affaires. Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook et participez à nos nombreuses promotions. Bon succès aux Sabres juniors 2A de Roberval. Temps de parler des Sabres de Roberval avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse, les Sabres qui ont joué pour 500 au cours de la fin de semaine. Salut Jason! Salut Danny! Jason, on va y aller avec, oui, effectivement, dans le premier match, victoire de 4-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. C'est le deuxième match, on a gagné 4-2 là, contre Chicoutimi. C'était pas un grand match. Là. Chicoutimi se sont présentés à 10 ou 11 joueurs, on me rappelle plus du nombre. C'était pas un match qui va passer dans les annales là, de la Ligue parce que c'était pas intense. Pour quelle raison ils ne sont pas présentés, les joueurs? Y a-t-il une raison particulière? Mais je continue, je ne sais pas. Sûrement qu'ils travaillaient. Ouais. Aucune idée. Ça, t'as-tu, de ton côté, t'as-tu beaucoup d'absence depuis le début de la saison? Je sais qu'il y a eu un match que tu n'avais pas beaucoup de joueurs, mais en général. Depuis ce temps-là, je joue toujours là, à 16, 17, 18 joueurs là, habillés. C'est quand même très, très, très bon, dans la ligue. À part Alma et Jonquière, là, qui sont toujours full line-up, là, comme on dirait. Ouais. Les autres équipes, là, ça joue là-dedans. On essaie de se maintenir là. Okay. Dans le match, donc, noté un but de passe de Jérémy Girard, Samuel Bérubé, oui. Un but, et également Simon-Pierre Bérubé. Samuel Bérubé et Simon-Pierre Bérubé, c'est-tu des frères, ça? Oui, c'est deux frères, là. Un qui a 21 ans, qui en est à sa dernière saison dans le long junior. Okay. Puis Samuel, lui, c'est le plus jeune, mais il est dans sa première année junior. OK. Et donc, on a été deux passes pour Gabriel Launière. Et dans l'autre oui. match, donc, ce coup-là, c'était une défaite contre les... on va l'avoir à l'instant en main, contre les Aiglons d'Alma, 7-2. 7-1, oui. Contre 7-2, c'est vrai. 7-2, on a scoré en fin de troisième. Oui, 7-2, ben ça, c'est... après une période, là, c'était 1-1 dans le match. On s'était fait voler, là. Je te dirais que dans au chapitre des tirs, puis même tout le long de la rencontre, là, on a dominé la rencontre. C'est vraiment Mathieu Duquette dans le filet, là, qui a fait la différence dans cette rencontre-là, parce que, ben, selon moi, d'après une période, on aurait dû mener cette rencontre-là, mais il a fait des gros arrêts. On a pogné deux poteaux en première période. T'sais, ça a peut-être pu changer l'allure du match en notre faveur, au mieux de devenir 1-1 après une période, mais on a pu mener 3 ou 4-1. Puis en deuxième période, eux autres, ils ont profité de leur chance, puis c'est ça que ça a donné. Okay. Donc, c'est la pause des fêtes. Comment tu vas dealer avec la pause des fêtes? Est-ce que tu as donné congé à toute ton équipe? Comment ça fonctionne? Demain, on a encore une pratique demain. Okay. On fait un petit tournoi 3 contre 3 demain là, pour récompenser les joueurs là, du début de saison qu'on a eu. Puis en même temps, là, on est le 23 décembre demain, fait que on ne fera pas ça trop dur. Après ça, maintenant, le jour de l'an, là, on fait rien parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont à l'extérieur et qui peuvent pas être là. Donc on va revenir là, après le jour de l'an. Là, on va faire nos pratiques puis on va revenir. C'est tout le monde qui va être le même pied, là, qui va être le même pied, hein? Ouais, mais en plus que tu sais, il y en a qui jouent le 4 janvier là dans la ligue. Il y a les quatre autres équipes qui jouent dans la ligue le 4 janvier. Nous autres, on joue pas les chanceux. Là. Okay. Ça a trouvé ça plus dur peut-être de jouer le 4 là comme ça. Mais okay. C'est des choses qui arrivent. Ben oui. Donc, Jason, je veux que tu me parles de Jérémy Girard en terminant. Jérémy Girard, c'est le frère de Samuel Girard que tout le monde connaît. Il est allé au camp d'entraînement. Je me rappelle qu'il est allé au camp d'entraînement des Aiglons d'Alma. Pas des Aiglons d'Alma, mais des Cataractes de Shawinigan, excuse. Il a 2 ans, oui. Pas cette année, l'autre année d'avant. Ça doit être le fun de l'avoir dans ton équipe parce que je pense qu'il est souvent sur la feuille de pointage. Oui, c'est un bon joueur. On ne se le cachera pas. Là, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Là. Ça, c'est sûr et certain. OK. Ben, Jason, merci beaucoup encore une fois de ta collaboration encore une fois durant la saison 2015. Au plaisir de se reparler en 2016. Puis merci beaucoup. Parfait, merci. Voilà, donc, l'instructeur-chef des Sables de Robert Val, Jason Lejeunesse.